Et les violons, vous les signez ? Ah non. Ils portaient toujours la... Le nom du patron. Et vous avez fait combien de violons en tout, vous le savez ? C'est pas possible de le savoir. Mais vous les reconnaissez, les instruments que vous avez faits ? Vraiment, c'est mon travail. Hein. Et les autres luthiers aussi le reconnaissent ? Ah ben oui. Les experts ont fait bien travail. Hein. Ah oui.